qui était professeur d'architecture à l'école d'architecture de Liège et qui est maintenant artiste pédagogue et qui va nous parler de pratiques exploratoires de l'espace. Merci. Merci et je remercie Rachel Thomas de m'avoir invité. Vous entendez là ? Oui. Vous voyez bien parce qu'il y aura beaucoup de lumière. Donc je vais vous parler de la marche, mais dans un processus global, parce que je voulais l'insérer dans ma pratique, puisque pour moi la marche c'est d'abord une pratique quotidienne autour de ma maison, dans le quartier, j'ai revendu ma voiture. C'est aussi une pratique exploratoire de l'espace dans le sens d'aller chercher quelque chose dans l'espace, de trouver un coefficient de fondement avec le monde et les autres. Et c'est aussi une pratique du corps, mais je dirais une pratique du corps qui va un peu plus loin que simplement le corps et les sens, c'est-à-dire une pratique de l'être et un moyen d'être au monde. Donc je vous propose de montrer mon travail, qui est un travail qui est fondamentalement lié au rapport corps et espace, et je l'insère dans trois champs en général. C'est le champ phénoménologique, plastique et anthropologique. Ainsi, si on m'a invité aujourd'hui dans un atelier lié au corps et au sens, on aurait, je crois, aussi bien pu m'inviter dans le premier ou le troisième, dans la mesure où il me semble que les éléments sont fortement liés, comme je ne suis pas un chercheur pointu, que je suis plutôt un marcheur sensuel, disons que je me retrouve bien dans les trois points de vue. Je travaille beaucoup sur la perception, et il y a un petit événement que je vous livre et qui est assez amusant, c'est que, alors que j'ai fait de la pédagogie pendant 27 ans dans une école d'architecture, que maintenant j'en fais de manière indépendante. Il y a 2 ans, je marchais dans la rue et puis je me dis, tiens, c'est vrai que souvent on classe la perception, en tout cas au niveau de la réception de la perception, entre visuel et auditif. On fait une différence et puis je me dis, mais je ne suis pas visuel tellement, et puis pas auditif non plus, donc qu'est-ce que je suis? Je descends et je me dis, ah oui, sensuel. Et puis je rencontrais une amie et je lui dis, ah mais tu sais, au niveau de la perception, en fait il y a 3 catégories, tu en oublies une, il y a le kinesthésique. Et alors je me suis dit, mais oui, je suis kinesthésique. Et donc il a fallu 25 ans d'un pédagogue pour ne pas savoir cette question de la perception kinesthésique. Et c'est, vous allez sans doute le sentir dans l'exposé, enfin j'espère que je vous livre un peu la perception d'un kinesthésique, c'est-à-dire de quelqu'un qui vit les choses et la pensée en déplacement. Alors je m'excuse déjà pour ceux qui vont écouter l'exposé sur leur internet, parce qu'il y a beaucoup d'images, elles ne sont pas toutes commentées. Je commence cet exposé, avant de parler du processus du travail, par la dernière ville où je suis allé il y a est revenu il y a plus ou moins 3 semaines, qui est Téhéran, qui est une ville particulière, très grande, puisqu'il y a plus ou moins 12 millions d'habitants, qui s'étend du sud au nord, du sud très plat, très étouffant, avec le nord beaucoup plus riche qui monte sur la colline. Donc je vais essayer de voir comment on peut passer les photos pas trop rapidement. Je ne sais pas pourquoi elles sautent chaque fois une. Et puis, si ça va aller mieux. Voilà, je crois que ça va aller mieux. Vous avez ici le plan d'un quartier. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la première carte sur laquelle je suis passé assez rapidement, une des caractéristiques de Téhéran était d'être découpé par des autoroutes urbaines dans lesquelles le piéton doit faire de très longs détours pour trouver une passerelle. Ou autre système, c'est une ville où le piéton peut monter dans n'importe quelle voiture, puisque chaque voiture est un taxi soit professionnel, soit un taxi qui peut vous mener d'un endroit à un autre, c'est-à-dire que chaque personne qui a une voiture charge les piétons. Donc on a un système où finalement peu de gens marchent, puisque là j'ai fait une petite croix rouge et un petit itinéraire rouge où je passais tous les jours et qui est le long d'une autoroute urbaine et dans lequel les nœuds d'autoroute sont aménagés en petits parcs si l'on ose s'y risquer. Donc ici on voit comment on doit passer des bretelles d'autoroute pour se trouver dans un univers bucolique au milieu d'un nœud. Ça, c'est un territoire du marcheur, c'est pas celui du piéton. Peut-être que je ferai une distinction entre le piéton et le marcheur. Que pour moi, marcheur, je ne me retrouve pas toujours dans l'espace du piéton, que je pratique aussi parce que je suis deux fois grand-père et quand je dois pousser la poussette, c'est plus facile celui du piéton. Mais le marcheur, il aime peut-être des espaces plus stimulant, moins lisse. En dormant à l'hôtel de l'Europe, aujourd'hui, place Grenette, j'avais l'impression un peu d'être dans un paysage de train marquise, très lissé. En fait, les montagnes disent qu'on n'est pas dans le nord de la France, mais le piétonnier, on ne sait pas très bien si on est à Grenoble, à Nantes ou à Lille. Et peut-être que dans la marche, on recherche un coefficient de frottement un peu différencié d'une ville à l'autre. Alors ça, c'est un ciel à Téhéran. Et ça, ce sont des sols à Téhéran. Donc dans les villes aussi, je prends une matière, puisque disons, je suis d'une manière large, disons, plasticien, que pour le moment, je travaille plus sur des installations photographiques. Donc là, j'ai pris de la matière pour la prochaine... Il s'appellera Terrain Vague. Et ce que je trouve extraordinaire dans la marche dans les grandes villes, c'est évidemment l'effet de surprise. Bon, j'étais à Téhéran pendant le Ramadan, donc qui est assez frustrant puisque toute la journée il n'y a pas un café d'ouvert, donc qui est l'endroit où on peut boire éventuellement un thé, mais aussi l'endroit où on peut rencontrer ou voir des personnes. Par contre, à la rupture du jeûne, je suis tombé par hasard dans la cour d'une mosquée où des habitants du quartier viennent avec leur tapis attendre la rupture du jeûne pour manger. Et alors, il y a un échange de plats extraordinaire. Donc, j'y suis retourné 3-4 fois et j'ai trouvé ça vraiment un moment magique. Un moment où finalement... dans l'exploration de la ville, en se laissant aller à la marche, dans une ville où je me disais, je connais un peu l'Iran, ce n'est pas une ville extraordinaire, c'est pas une ville, elle est palpitante au niveau de l'énergie, mais pas tellement palpitante au niveau visuel peut-être. Et puis quand à un moment donné, on est pris dans un moment comme celui-là, la rupture du Ramadan, quelque chose se passe. Le coefficient de frottement est au maximum et le corps est au monde. Je reviens 30 ans en arrière pour vous montrer comment la marche s'est intégrée dans un processus, parce que pendant très longtemps, ce qui m'importait, c'était le travail d'atelier, le rapport du corps à l'espace, mais surtout d'une manière... disons plastique, et évidemment aussi étant architecte, ce rapport à l'espace habité. Beaucoup de plasticiens m'ont nourri à cette époque et toujours dans le rapport corps-espace, mais surtout au niveau de la plastique de la danse, au niveau de la plastique sculpturale. Et cette insertion du corps sans doute n'était-il pas pour moi vécue pleinement. Il était vécu en partie, mais pas pleinement. Et il y a ici, dans ce qui nous intéresse, deux travaux dessinés par Schlemmer en 1924 au Bauhaus, qui sont assez éclairants. Ici, il appelle l'espace organique, où on voit comment le corps déploie son espace. Et ça, dans la marche, on le sent bien aussi. C'est comment un espace est déployé par le corps en marche. Comment les pieds, les jambes, les mains, tout le corps déploie son espace, et il l'oppose évidemment à ici l'espace linéaire, c'est comment le corps reçoit l'espace. Alors ici, Schlemmer le fait dans un espace cubique, très étroit, mais dans la marche, c'est la même chose. Dans la marche, on sent comment, à un moment donné, le corps est réceptif de l'espace et comment aussi la durée compresse et comprime cet espace. Ça, j'y reviendrai un peu sur la durée. S'il s'agit de travaux de Laban, et encore ici, dans ces photos qui m'ont très fort marqué dans les années 80, ce que je regardais, c'était la structure du corps, sa plasticité, la manière dont des danseurs, comme ici Krisha Brown à New York, ponctuaient l'espace. J'ai l'impression que pendant un certain nombre d'années, j'ai vécu le mouvement arrêté au niveau du corps. Et quand je voyais les photos de Richard Lund, je crois que j'étais plus aussi marqué par la manière dont il laissait des traces dans l'espace que par rapport à ses marches. Et je développais parallèlement dans l'atelier d'études des formes de l'Institut d'architecture où j'étais un travail de structuration de la matière qui m'a conduit à des exercices plus amples. Et puis à trouver un rapport de la construction au corps par la construction d'arcs et puis l'extension du corps. À cette époque-là, je m'étais inscrit à des cours de danse contemporaine et avec une danseuse, on a fait quelques ateliers qui s'appelaient « Extension du bras, danse du bras ». C'est tous ces travaux qu'à un moment donné, j'ai publié dans le livre « La structure et l'objet ». Et j'ai entamé tout de suite un autre travail qui s'appelle « Le corps et la chaise », dans lequel je m'interrogeais sur la position du corps debout, sur la position du corps assis, avec ou sans siège. Et on voit encore ici une préoccupation du corps dans sa manière d'être, phénoménologique, plastique, mais un corps arrêté, avec un travail de Newman que j'ai mis dans plusieurs des publications qui s'appelle l'espace sous ma chaise, que je voyais d'abord simplement comme un bloc. Avant d'avoir vu le titre, je le voyais comme un bloc. Et ce travail d'atelier, ce travail d'arrêt, ce travail intérieur pourrait s'écrire en d'autres mots, c'est la verticalité, le souffle, la charge, la consistance, quelque chose de très intériorisé. Donc on pourrait voir dans un inventaire sur la marche des dessins parallèles à ceux de Eus, que cet anthropologue qui a fait ça dans, je crois, en 1954, qui n'a rien fait d'autre, je crois. En tout cas, j'ai rien trouvé d'autre de cet anthropologue qui a recensé plus d'un millier de positions du corps debout ou assis au repos. Donc c'est le corps au repos. Et ce que je vous disais au niveau du rapport au corps, de sa consistance, du souffle, de la charge, j'essayais de le traduire dans l'atelier par des dessins. Dessins qui étaient inspirés de parties du corps, de sa verticalité ou de l'os. Et ici peut-être un dessin précurseur du corps en marche. Avec les étudiants, j'ai développé une série de travaux, aussi bien à partir d'éléments très simples comme ici, simplement le corps, un élément plan, un élément linéaire, un élément volumétrique, ou comme on le voit ici, donc ces éléments sont simplement mis en situation. Et l'intérêt, c'est de voir si les quatre éléments sont en lien. Donc c'est simplement de voir, de déplacer les choses et de voir si finalement il n'y a pas toujours ou souvent un élément qui est rejeté en dehors de la situation. C'est une expérience. Et j'ai aussi beaucoup continué sur l'exercice d'extension du bras, dans le bras, notamment avec Sonia Dittmar, qui est architecte chorégraphe qui a fait ses études d'architecture à Marseille, qui maintenant est, donne cours à Lyon. Et dans ces ateliers, une des préoccupations était de voir comment on pouvait tenter de passer du mouvement à l'espace. C'est-à-dire, avec cette extension du bras, on voit bien comment on peut déployer un espace, comment on déploie un mouvement, et comment peut-on alors tenter de le retranscrire, soit dans un dessin, soit dans une maquette, soit dans une installation dans le lieu. Et bon, j'ai continué, alors là c'est important, ce que j'essaie d'introduire c'est un processus de travail pour montrer aussi comment sur 30 ans, qui doit paraître à certains une période très longue, comment la perception peut changer, notamment parce que soit on évolue, mais aussi surtout parce que d'autres personnes, d'autres artistes nous donnent des éléments de leur propre perception, de leur propre rapport au monde, qui évidemment influencent notre propre démarche. Et ici, j'ai travaillé plusieurs fois avec les ateliers convertis, qui est un groupe d'artistes au Québec, qui m'ont invité plusieurs fois. Et là, j'étais aussi arrivé avec des exercices sur l'extension du corps, où on travaillait d'une manière très plastique, c'est-à-dire avec des contraintes assez importantes et avec une lecture qu'on pourrait dire une lecture qui appartient au vocabulaire plastique plus que à des charges créatrices fortes, débridées peut-être, mais d'un autre ordre. Et ce qui est important, c'est de dire qu'à un moment donné, grâce à ces personnes, grâce à un atelier que j'ai donné aussi sur l'espace de l'autre à Valencia, les choses ont changé. Les choses ont changé pourquoi ? Parce que cet exercice que je donnais, cette extension du bras, danse du bras, qui était très structurée au niveau de la construction, au niveau des règles du jeu, a complètement débordé dans cet atelier parce que c'était des artistes et non des étudiants, donc qui avaient chacun leur pratique et qui ont commencé à transgresser fortement les règles du jeu, les limites, et qui m'ont obligé, forcé à simplement être avec eux, de pouvoir tenir cet atelier de 5 jours en même temps le basant sur le fondement de l'atelier, mais en même temps étant obligé de le réinventer complètement. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très différent qui a mis, qui a fait éclater une grande partie de ma pratique pédagogique jusque-là, et elle est liée aussi à une lecture très importante, c'est celle du catalogue que Rosaline Krauss et Yves Alain Bois ont fait sur l'informe. C'est-à-dire, à un moment donné, mettre en péril des situations peut-être trop stables, trop sécurisantes. Et je me suis rendu compte, sans doute, la manière dont je conduisais les ateliers pendant longtemps était basée sur des marques de sécurité, c'est-à-dire pour pouvoir conduire avec sécurité et ne pas oser se laisser dépasser. Il y a eu dans une dizaine d'années un changement de lieu. J'ai habité Bruxelles et évidemment la marche au quotidien dans une ville est très différente que la vie en campagne. En campagne, on est plus tenté d'utiliser sa voiture. En ville, on peut la revendre et s'en passer plus facilement. Et donc, c'est aussi de cette époque que date l'écrit Aspérité en mouvement, qui est un ensemble de textes qui commence par pédagogie de la forme, mais aussi par d'autres textes comme Il danse l'espace, et aussi dans la ville L'homme qui marche. Ce Ceci, ce sont simplement quelques éléments qui accompagnaient la rédaction, qui accompagnaient les jours de cet écrit et qu'on retrouve dans l'écrit et qui peuvent toujours se situer entre force d'enracinement et force de déplacement, ou si vous voulez, entre nomade et sédentaire. Avec cette photo du musée Guggenheim à Bilbao, qui je trouve est une des meilleures photos dans la mesure où on sent comment il y a un frottement entre cette force du musée et cette force de la ville, comment c'est une invitation à aller marcher dans cet univers. Dans les écrits de Aspérité en mouvement, il y a le texte Dans la ville, l'homme qui marche. Il répondait à une invitation d'écrire quelque chose sur la sculpture publique. Et finalement, j'écris le jour même à la personne, à un ami qui m'a invité à cet écrit. Je vois clairement le nœud de cette méditation. Quelles sont les aspérités qui me retiennent dans la rue, les agrégats qui donnent épaisseur à l'espace, les choses qui échangent avec moi, habitant et voyageant la ville. Qu'est-ce qu'il y a dans mon village du monde, dans cet espace du vent et des eaux, des corps qui marchent, des têtes, des morceaux de toutes sortes, peut-être l'une ou l'autre sculpture. Un peu plus tard, donc je dois dire, je suis quand même quelqu'un de l'écrit. Je ne suis pas un chercheur, mais je suis quelqu'un de l'écrit. J'ai essayé de faire un écrit sur les mots de l'espace et a collaboré avec moi à essayer de réunir une série de mots, Aurore Després, qui est danseuse. Et finalement, bon, cet écrit n'a pas abouti à publication et les mots sont restés longtemps sur le tableau de mon atelier et le manuscrit existe toujours. Certaines revues ont publié. La revue S, qui est une revue canadienne, a consacré deux numéros au déplacement. Et c'est assez intéressant, peut-être pour vous, de voir le sommaire de ces revues. Ça, c'est les éléments, peut-être, qui mettent en place les pratiques exploratoires de l'espace. Si je devais les énoncer un peu, non plus tout à fait nomade, tout à fait sédentaire, et la marche comme élément important, avec pour moi la relation au parcours, aux traces, aux cartes. Je fais aussi tout un travail sur le territoire et ses limites, sur la relation entre la terre et le paysage, entre le paysage et le territoire et les villes. Ça sera dans le prochain écrit. Sera publié dans un an. Avec cette question que j'ai mis en exergue de beaucoup de textes que j'ai publiés, qui se retrouvent encore dans l'introduction de Dessine-moi un voyage, que j'ai là avec moi si vous voulez voir, et qui est cette question qui pour moi est fondamentale et dans laquelle on peut insérer la marche comme un moyen. Quand je dis traverser, habiter, produire quelques concrétions, mais le traverser, c'est contient notamment la pratique de la marche. Je vous disais comment la trace, le carnet, qui soit élaboré avant de partir ou pendant le départ ou après, est un élément important du processus. Bon, pour moi, c'est un élément important du processus parce qu'en général, je pars en solitaire et donc le carnet est un peu le trait d'union, si vous voulez, entre là où je suis et les autres qui sont sur place et les proches qui sont plus loin. Ici, par exemple, on a un petit dessin qui reprend l'éclatement de la place de Maefna à Marrakech à la rupture du jeûne. C'est comme une chorégraphie rompue parce que tout le monde était à ses occupations, puis brusquement tout le monde s'en va pour laisser l'espace vide. C'est un moment assez extraordinaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, ce qui m'a peut-être propulsé dans la marche, c'est peut-être le souvenir déjà enfant de quelques marches en montagne avec mon père et puis quelques marches encore dans les Pyrénées notamment, et puis un jour pendant 2 mois la traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée, où là vraiment on peut sentir que quelque chose se passe au niveau des sens, parce qu'on est plongé dans un univers autre que l'univers urbain, dans un univers qui nous ballotte vraiment, où on est un élément en résonance directe avec l'espace. Et là, je fais une grande différence entre la marche dans la montagne, dans la steppe, dans le désert, et la marche en ville. Et ces dernières années, j'ai pratiqué beaucoup de marches en ville. Quand je marche, parfois je m'arrête, parfois je fais un dessin, parfois je chante, parfois je fais une photo. Et quand je rentre de voyage, je fais souvent des petits envois. Et l'éditeur chez qui j'avais publié, finalement, m'a proposé de faire un livre photo l'année dernière. Avant ça, j'ai participé à... C'est pas moi qui reste dessus. J'essaye de mettre la suivante. Voilà. J'ai participé à un festival de la photo à Alep en Syrie. Donc ça, c'était le projet d'installation. Et ce que je cherchais dans cette installation qui devait se passer sur un très grand mur, c'est que le spectateur déplace le regard, mais déplace aussi le corps. C'est-à-dire se penche, monte sur la pointe des pieds, suive la ligne des yeux. Bon, comme c'est assez difficile d'exposer à Alep en Syrie dans les temps qui courent, finalement ça a été interdit, puis quand même monté en clandestinité, donc le mur s'est rétréci, et l'installation aussi. J'ai essayé aussi, lors de la sortie du livre des 6 mois en voyage, là j'avais un très très grand espace, de retrouver un peu ce schéma spatial. Schéma spatial qui était dispersé dans l'espace suivant un parcours qui va d'est en ouest du monde. Je vous montre juste, pour le plaisir j'espère, il n'y en a pas trop non plus, des photos de différents coins du monde qui se trouvaient dans le livre et qui représentent pour moi chaque fois un arrêt de la marche. C'est-à-dire que ce n'est jamais des photos où je suis allé à un moment donné prendre une photo, c'est à un moment donné je suis là et je prends une photo plutôt que de chanter ou plutôt que de faire un dessin, comme ici à Ispahan. Un vendredi, donc les habitants viennent dans le parc avec leurs casseroles, leurs réchauds, et mangent, et m'ont invité à manger, et j'ai pris cette photo, et elle était réussie. Ici, c'est à Beyrouth, où j'ai réuni 2 photos pour la maquette d'une petite publication qui s'appellera Terrain Vague. Pour moi, dans l'exploration par la marche dans les villes, il y a une chose importante, c'est de voir comment, c'est tout à fait utopique hein, ce que je dis, mais comment bouge la ville, vers quoi elle va. Évidemment, en tant que petit marcheur, à l'échelle des grandes mégapoles, on ne voit pas grand-chose, mais on se rend compte de certaines choses et on se frotte. En fait, c'est toujours ça sur quoi je reviens et qui, à mon avis, n'a pas lieu dans les piétonniers. C'est qu'on ne se frotte pas dans un piétonnier. Mais en dehors des piétonniers, même à Grenoble, on peut se frotter. Ici, c'est la, le jardin de la bibliothèque nationale. Enfin, je ne sais pas si c'est nationale, la grande bibliothèque. Enfin, Barcelone. Barcelone, que je connais assez bien parce que j'y étais souvent. Et, bon, cette année, je suis resté, je crois, 3 semaines. Donc, c'est tout à fait différent quand on reste une longue durée. Et là, on se rend compte aussi comment, dans Barcelone, la ville se déroule comme un paysage maîtrisé depuis la colline jusqu'au bord de la mer, et finalement commence à laisser très très peu de place à ce que j'appellerais les terrains vagues. Mais pour moi, les terrains vagues, je les vois d'une manière beaucoup plus large. Ce sont des friches, ce sont des zones construites en autoconstruction, éventuellement dans certains pays. Ce sont des possibles. Et beaucoup de villes se ferment au possible, c'est-à-dire tout est lissé, tout est prévu, tout est aménagé. Ça, c'est l'avenir de beaucoup de grandes villes. Ici, c'est Téhéran, et là, c'est Yazd, les deux en Iran. Et là, évidemment, la marche est encore autre chose, puisqu'on a affaire à des sites très très grands, avec très peu de polarité. C'est-à-dire que l'individu, presque comme dans la steppe, est perdu. Il y a très peu de recoins pour installer un petit salon de thé, manger un pain sur un banc. Donc c'est un univers qui est très très peu propice au sens, à la sensualité que l'on retrouve dans beaucoup de quartiers du Moyen-Orient, mais malheureusement de vieux quartiers. Ça, c'est en Mongolie. Et voilà un quartier extraordinaire à Damas, qui est un quartier là, propice à la marche et qui ne peut d'ailleurs que s'explorer, se vivre avec la marche, puisqu'on s'éloigne des rues où on peut circuler avec un véhicule pour monter dans un terrain où on ne sait plus monter qu'à pied. Et en fait, dans ce terrain, on laisse les habitants construire leur maison, se raccorder vaille à l'eau et à l'électricité, jusqu'à, évidemment, puisque c'est une colline au sud, jusqu'à ce qu'à un certain moment, comme dans des villes comme Bombay, par exemple, on démolisse tout pour laisser s'accroître le paysage de la ville urbanisée jusqu'à la colline. Je vous montre quelques travaux de personnes avec lesquelles je me sens en affinité, c'est-à-dire que même si je fais des travaux très différents d'eux, et même si beaucoup sont à un niveau d'investigation plus important, sont des travaux qui me portent, qui me questionnent. Il y a notamment c'est le livre d'Avila, Marché créé, qui est assez intéressant à ce sujet, où il reprend le travail de Alice, où vous pouvez voir, par exemple, dans le film de Large Détail, un film qui lui est consacré, comment on retrouve dans son travail des éléments de la marche. C'est un artiste qui vit à Mexico, qui fait beaucoup de travaux en relation avec certains habitants de Mexico, et la marche est un élément très important. Ici, il y a des semelles aimantées qui recueillent les petites aspérités de la ville. À gauche, vous voyez un travail avec un bloc de glace qu'il a traîné dans la ville pendant une journée entière, jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu, qu'il retourne à rien. Cette performance d'Abramovitch et Hulé, qui étaient partis à l'ouest et à l'est, chacun séparé de la Grande Muraille de Chine, pour se réunir à un moment donné et se marier, mais ils ne se sont pas mariés, ils se sont séparés. Et un livre qui me paraît important dans tout ce que j'ai lu, je le mentionne, c'est un livre de Careri qui fait partie du groupe Stalker, qui est écrit en anglais et en espagnol, et qui parvient à, dans ce livre à réunir et à réconcilier les nomades et les sédentaires au niveau des pratiques de l'espace. Donc le groupe Stalker a employé, a utilisé le titre du film de Tchaïkovski, Stalker, a commencé à faire des explorations à Rome et nous a livré quelques planisphères extraordinaires comme celle de Milan ou celle-ci de Rome, où on voit en blanc le tracé, puis on voit les zones urbanisées qui s'insèrent dans les vides, les creux, les friches de la ville comme des architectes. Ça, c'est sans doute, vous la connaissez sans doute, puisqu'on la, on la retrouve très souvent dans les livres sur les pratiques artistiques. Et c'est Carreri aussi qui nous montre cette petite carte qui date d'à peu près 10 000 ans, une carte d'un val du nord de l'Italie, où on voit cette carte un peu tracée comme un chorégraphe le ferait, ou un dessinateur ou un enfant, c'est-à-dire qu'on mêle des lieux, des itinéraires, des espaces de vie, des scènes de la vie où on reconnaît des animaux, des hommes, etc. Donc c'est une carte qui raconte. C'est ça que j'aime dans les cartes, et c'est qu'une carte, comme le dit Deleuze, une carte n'est pas neutre, hein, mais on peut la manipuler, la triturer, la faire discourir, hein, comme celle de Debord aussi, qu'on n'avait plus vue pendant très longtemps et maintenant qu'on revoit dans énormément de publications, qui est cette manière dont, après une exploration, après une dérive dans Paris, il a découpé certains quartiers pour insister sur les liens, mais des liens peut-être plus affectifs que autres, ou cette carte de Richard Long qui là dessine sa marche avant de l'effectuer. Hein, ici c'est une marche en cercle autour d'un point fictif. Il en a fait une aussi qui est assez extraordinaire, je n'ai pas ici, mais qui est partir d'un point jusqu'à un cercle tracé sur la carte et remplir tous les itinéraires de ce point. Donc vous avez comme une fleur qui se déploie, c'est exactement le contraire de, ou le complément de cette carte. Puisque vous travaillez aussi dans le son, je suppose que vous connaissez le travail de Jim Cardiff, qui propose des itinéraires pré-enregistrés. Donc, il me reste une minute. Oui, oui. Elle propose des itinéraires pré-enregistrés. Donc, quand vous faites l'itinéraire, il y a un décalage qui s'opère entre ce qu'elle a enregistré et puis ce qui s'est passé. Elle dit par exemple, traverser la rue, il n'y a rien, il faut faire attention parce que peut-être au moment où vous avez traversé, justement, le bus passe. Bon, j'aurais pu vous lire un extrait de Comme une danse, mais ce sera pour une autre fois. Mais vous dire encore que cette relation à la danse est importante pour moi, parce que à partir du moment où l'on entrevoit la marche comme une danse, justement, il y a un appel du corps et des sens qui est beaucoup plus important que si on envisage la mobilité du piéton. Là, je crois que certaines personnes peuvent me comprendre. C'est la mobilité dans la ville, je vous l'ai dit, je suis grand-père, elle est importante, on va, quand on ne sait pas passer une poussée, mais en même temps, elle efface beaucoup de choses. Elle efface une relation au sens qui parfois se trouve dans un terrain beaucoup, beaucoup plus chaotique. Et je dirais quand même encore quelque chose qui me semble important, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette exploration, elle est aussi une approche du monde et des autres, un coefficient de frottement très grand. Et c'est de voir dans les villes où l'on passe, comme ici à Paris, où en est l'état du monde. Ce n'est pas simplement se dire oui, je récolte une série de sensations, mais c'est aussi je récolte une série d'informations où je dirais que la marche me fait plus poreux. Me fait plus poreux aux sensations, mais aussi plus poreux à l'autre. Et donc, pour moi, la marche est un élément qui devrait, par rapport à la pratique d'atelier que j'ai fait un certain temps, qui m'enracinait dans une dimension verticale de l'homme, la marche est un élément qui me conduit dans une dimension plus horizontale, plus proche de l'humain. Mais c'est rien. Ah, voilà. Et dans les éléments du voyage et de la marche, il y a un élément qui pour moi fait lien avec le monde et les proches. C'est la pleine lune. Vous y penserez peut-être ce 24 à Grenoble. Et je termine sur deux photos. Celle-ci, c'est une superposition à la petite phrase que Godard avait mise en superposant sa phrase au marcheur de Giacometti dans son exposition à Paris. Donc les croix rouges, c'est moi. Et enfin, un petit dessin que j'avais fait. C'est assez amusant parce que j'ai fait ça au bar parallèle qui est le bar qui est près de chez moi, en prévision de ce jour, et je pensais à la différence entre le marcheur et le piéton. Et donc j'avais tracé des itinéraires pour les piétons qui se croisaient avec celui du marcheur. Ça pose question, simplement. Merci.